Bonsoir, dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Louise Weber, dite la Goulue, muse et femme libre. En 1890, elle est la reine du Moulin Rouge, la danseuse de cancan que le tout Paris vient applaudir à Montmartre. Bien sûr, dans le quadrille, elle n'est pas seule à lancer haut la jambe sur un rythme endiablé, à montrer ses dessous dans des jupons froufroutants en poussant des cris de sauvage. Il y a aussi les incroyables Nini Patenlère, Grille d'égout, Jeanne Avril ou la Môme Fromage. Mais la Goulue, belle, sensuelle, généreuse, dotée d'un sens inné de la danse et aussi d'un sacré goût de la provocation, elle a un truc en plus qui affole son public, hommes et femmes. Fille d'ouvrier, que tout destinait à devenir blanchisseuse ou prostituée sur les fortifs, la Goulue est devenue une artiste à part entière. N'en déplaise aux bourgeois qui, en cette fin du XIXe siècle, s'ils s'encanaillent volontiers au Moulin Rouge pour apercevoir quelque chose dans l'entrejambe des filles, ne voient dans la danse qu'une variante de la prostitution. Mais Toulouse-Lautrec, lui, ne s'y trompe pas. Le fils d'aristocrate, peintre génial, sera jusqu'à sa mort l'ami fidèle de la Goulue, reconnaissant sans doute dans son modèle préféré son double féminin, marginal et artiste. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Marilyn Martin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivaine, autrice d'une biographie de la Goulue. Vous écrivez au début de votre livre qu'en enquêtant sur la célèbre danseuse, vous avez déniché un trésor, son journal intime. C'est un document inédit. Oui. Exceptionnel, j'ai eu cette chance-là et le jour où on m'a fait l'honneur et la confiance de m'accorder avoir accès à ce journal intime qui était conservé au Moulin Rouge, j'étais comme une petite fille devant un arbre de Noël parce qu'en fait ça m'a permis de révéler une certaine vérité ou même une vérité certaine sur cette femme injustement considérée comme une vénale, une Vénus de la pègre et bête. Et elle était tout sauf ça, Louise. C'est une femme qui n'est pas dénuée d'intelligence, qui joue avec les codes de la société bien-pensante et qui va révolutionner cette belle époque, justement, par la danse. Elle a écrit son journal intime, c'est déjà dire qu'elle savait écrire. Bien sûr, elle a eu une éducation modeste, mais elle savait écrire. Alors évidemment, elle écrit comme elle parle. Elle a une petite écriture serrée, mais... Elle fait des fautes d'orthographe. Elle fait quelques fautes, mais peu importe. Oui, elle peu importe. Parle avec le cœur, en fait. Elle écrit avec le cœur, elle se confie beaucoup, et c'est une peinture sociétale, j'ai envie de dire. Elle est née en 1866, dans la région parisienne. Elle est née à Clichy-la-Garenne, dans le quartier de la Révolte, cité du Paradis. C'est déjà un beau nom. Oui, et ses parents sont modestes, la maman est couturière, le papa est charpentier. Et toute petite, elle dit déjà dans son journal qu'elle a la danse chevillée au corps. Lorsqu'il y avait un orgue de barbarie qui passait dans la rue, sa maman donnait des sous, des pièces, comme on faisait autrefois par les fenêtres. Et elle s'accrochait au bassin de sa maman pour danser. Et plus tard, son père l'amenait dans les noces et les banquets, la faisait monter sur la table. Et là, elle a remarqué très rapidement qu'elle avait un pouvoir d'attraction sur le public. Et voilà, donc on était tous émerveillés sur cette danse peu académique, mais cette petite fille avait déjà quelque chose en plus. Cette petite fille aime la danse, mais elle ne va pas devenir danseuse tout de suite. Elle va faire les métiers d'époque ouais. dans son milieu pauvre. On n'a pas trop de choix. On est plus ou moins ouvrière, blanchisseuse. Elle vend des fleurs aussi. Elle vend des fleurs dans la rue. Dans les passages. Elle a quoi, 11 ans? Il faut gagner très vite sa croûte, comme on dit à l'époque. Elle côtoie aussi des milieux un peu interlopes, les Apaches. On est au temps de Casque d'Or. Et elle va s'émanciper de cette famille. Elle veut casser là aussi le carcan familial pour s'émanciper rapidement. Elle devient modèle aussi pour les peintres. Elle va poser pour Renoir. Auguste Renoir. Et elle dit, toi tu resteras, moi on m'oubliera. Et c'est vrai que cette petite phrase, elle a fait écho en moi et j'ai voulu vraiment en parler, rétablir, comme je vous disais, cette vérité pour qu'on en parle encore. À quel moment et en quelles circonstances devient-elle danseuse? Alors, il y a des bals qui commencent à avoir pignon sur rue, j'ai envie de dire. Il y a l'Élysée Montmartre qui arrive en 1885. Et c'est là qu'elle va commencer à s'encanailler, à rencontrer déjà quelqu'un qui va beaucoup compter pour elle, c'est Valentin Le Désossé. Et tous les deux... C'est un danseur. Qu'est-ce que c'est la danse qu'on danse à l'époque à l'Élysée Montmartre et bientôt au Moulin Rouge? On valse et on chahute. Et, qu'est-ce que c'est le chahut alors? Le chahut, c'est l'art de lever, j'ai envie de dire, la jambe, de partir dans tous les sens et de laisser parler son corps. Et cette c'est pas très conventionnel, quoi. Pas du tout. Et elle a une danse peu académique en Louise. Et ce chahut va traverser la Manche et va devenir, là je fais très court, le French Cancan. Et c'est une danse qui est autorisée? Alors c'est une danse qui est autorisée, oui, mais qui est un peu subversive. Et on dit que Paris vient non pas au bal pour danser, mais Paris va aller au bal pour regarder danser. Oui, parce qu'on regarde sous les jupons des filles. On regarde sous les jupons des filles. Le bourgeois est là aussi pour s'encanailler, pour aller voir ailleurs que ces femmes-là sont plus libérées, sont plus libres. D'ailleurs, elles donnent cours à leur excentricité à travers ces danses. Marilyn Martin, je propose qu'on se retrouve dans une trentaine de minutes. Tout de suite, on part au Moulin Rouge en 1890. Louise Weber, dite la Goulue, muse et femme libre, un texte de l'écrivain Patrick Péchereau, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, réalisation Baptiste Guiton. Et voilà, encore une soirée terminée. Je leur en ai filé pour leur argent. Le quadrille, le chahut, le cancan, tout le toutim. Ils ont apprécié. Un public de goût, pour sûr. Ça applaudissait, ça tapait les pieds. Ils pouvaient. Je me suis donné à fond. J'ai un tempérament généreux, moi. Il ferait beau voir que la reine du Moulin Rouge ne sorte pas tout ce qu'elle a dans le ventre. Et la reine, c'est moi. Louise Weber, 23 piges et un sacré coup de rein. Lolo pour les copines, Lolotte pour mes hommes, la Goulue pour tout Paris. Danseuse de mon état. Et quel état ! Impeccable, pour sûr. Pas une qui se déhanche comme moi. Pas une qui se retrousse pareil, qui lève la patte aussi haut. Pas une qui fait un grand écart aussi chouette que moi. Le public s'y trompe pas. Marlou, Bourgeois, Aristo, ils me bouffent tous du regard. Ah, s'ils pouvaient me becter autrement. Mais voilà, mes amants, je les choisis. Tout de même. Quelle soirée. Je suis crevée. Zou, au dodo. Au schlof, comme on dit chez moi. Demain, on remet ça. En cette année 1890, la Goulue règne sur la nuit parisienne. Après avoir fui l'atelier de repassage où elle travaillait, elle a mené une vie chaotique entre les fortifications, les ateliers de peintres et les bals. Danseuse infatigable, elle y a été repérée par des artistes de music-hall en vogue, comme Valentin Le Désossé et la célèbre Grille d'égout. Auprès d'eux, elle s'est vite fait un nom sur la scène de l'Élysée-Montmartre, avant de triompher au tout jeune Moulin Rouge. Adulée pour sa plastique, son audace et sa gouaille, la Goulue fascine et semble prendre un malin plaisir à braver les convenances. Ce soir encore, elle s'apprête à enflammer son public. Demandez le Gil Blas, messieurs-dames. Le Gil Blas. Demandez le Gil Blas. On parle de moi dans ton canard? Pas qu'un peu, madame Louise. Écoutez ça. La Goulue. Les joues pleines et fermes, le nez sensuel, les lèvres charnues, canaille et plaisante comme un verre pris sur le zinc. C'est pas mal torché. Attendez la suite. Montrant ses jambes galbeuses, moulées dans le maillot noir, laissant deviner un bout de cuisse entre les jarretières et les dentelles du léger pantalon. T'excites pas. Elle danse avec un charme faubourien dans une électrique apothéose. Montre. Électrique apothéose. Ça sonne bien, ça rien batte, il savait faire dans ton baveux. Bon, faudrait qu'il soit bigleux pour pas voir ce qui saute aux yeux. Ah ouais? Et qu'est-ce qui saute aux yeux? Bah vous, pardi. Des dents, toi. Tu serais pas en train de me faire du gringue? Bah, je dis ce que j'ai sur le cœur. Et ce que j'ai sur le cœur, c'est vous. Non, t'es trop mignon, toi. Donne-moi un canard. Le moulin m'attend. Sans vous, ces ailes tourneraient pas, madame Louise. N'en fais pas trop. Je pourrais croire que tu me charibotes. Enfin, puisque je t'ai tapé dans l'œil, passe au guichet ce soir. Il y aura une contre-marque pour toi. Je t'offre le spectacle. Le Gil Blas! Ah, le Moulin Rouge. Rien que ses coulisses, ça me grise autant que le champagne. Et mon nom sur l'affiche, ça en jette. Cri d'égout, t'es déjà là? Je voulais te causer, Loulou. Ouais? Ça fait 2 jours que je garde ça sur l'estomac. Alors voilà. Faudrait pas que tu te crois seule en scène quand c'est pas le cas. Qu'est-ce que tu veux dire, Gris? Tu le sais très bien. Je suis pas miraude. Avant-hier, pendant notre numéro, ton lever de jambe et ton clin d'œil vers la loge au baron. Quoi, mon lever de jambe? Qu'est-ce que tu leur reproches? J'étais pas batte? Un numéro à deux, c'est pas un cavalier seul. On lève la patte ensemble. Et pareil. Même quand Rothschild est dans le public. Oh, dis donc, ma poule. Tu serais pas jalmince? Si je lève la jambe plus haut que toi, c'est que t'as été une bonne professeuse. Professeur. C'est ce que je dis. Tu devrais te dire de ton élève. Tu m'en as assez fait baver pour que je sois à la hauteur. Alors quand je la dépasse d'un poil, la hauteur, c'est comme un honneur que je te rends. Tu te paies ma fiole? Et clin d'œil au Rothschild, c'est moi qui t'ai appris à le faire? Mais t'es grognon ce soir. T'as tes périodes? Des clins d'œil, on en a fait d'autres, toi et moi. Tu craches pas sur les soupers fins? Le champagne, les ortolans, les babas, tu dis pas non? Et le café? Et le pousse-pousse café? Et le pousse-pousse qui suit, dans de chouettes draps bien blancs, hein? Tu les refuses pas non plus? Tout ça commence souvent par un clin d'œil. Oh, mais regarde-moi! Tu l'avais repéré, le Rothschild, ma parole? Je te l'ai soufflé? C'est-il pas vrai, ma belle? Oh, tu me bassines, tiens! Faut toujours que t'aies raison sur tout. J'ai pas toujours raison, mais souvent, ouais, faut reconnaître. Allez, aide-moi plutôt à lasser ma gaine. T'es serré là-dedans? T'aurais pas un peu forci? Forci, moi? Tu trouves toujours le mot qui plaît. Forci. Je suis appétissante. Tu dois en prendre de la graine. T'es trop mec, toi. Les hommes adorent avoir ce qu'il faut dans les mains. Et ce qu'il faut, moi, je l'ai. Tu me pinces, chameau. Et la môme fromage? Elle te pince pas, elle? Ma parole, c'est vrai que t'es jalouse. Pourquoi que tu me causes de fromage? Tu voudrais sa place? Cette fleur de nave, tu parles? Tout juste si elle se trémousse en mesure. Dans le quadrille, il faut vraiment pas la regarder de près. Je sais pas pourquoi on la garde. Je te parle pas de ça. Pour la gambite et la meilleure. Après moi, bien sûr. Je te parlais de sa place dans mon lit. C'est-il pas ça qui te met en rogne? La Goulue affiche une liberté sans complexe ni égard pour la morale de son époque. À la ville, elle multiplie les conquêtes. À la scène, elle ajoute à la sensualité débridée du French Cancan qui demeure sulfureux après avoir été longtemps interdit. Séduisant un monde qui cherche à s'étourdir pour oublier la dureté des temps, la Goulue symbolise la femme insoumise au carcan du siècle. Son triomphe au Moulin Rouge, nouveau temple de la fête et de l'insouciance, est une consécration. Charles Zidler, son fondateur, voulait que son théâtre ne soit ni un café, ni un cabaret, ni un bordel, mais les trois à la fois. Il a réussi son pari. Au Moulin se pressent les figures en vue de l'aristocratie, de la finance et des arts. Et celles qu'on surnomme les cocottes, demi-mondaines en quête de bonne fortune. Faut battre le fer tant qu'il est chaud. J'ai pas envie de devenir une purée comme ma pauvre mère. Je plais, c'est pas d'hier, et ça a son prix. Se rincer l'œil, d'accord, mais pour ce qui est d'aller plus loin, faut mettre la main à la poche. C'est la loi du genre, comme dit Charlot. Mon homme. Ah, Charlot. Oh, je l'ai dans la peau. Je m'ai fait tatouer son prénom sur le bras. Du moment qu'il y trouve son compte, il me laisse faire ce que je veux. Il est pas chien. Quand j'étais dans la mouise, c'est lui qui m'a dégoté des séances de pose chez les rapins. Depuis, j'ai jamais arrêté. Poser, ça me plaît. Ça me change d'air. Surtout avec Toulouse. Lautrec. Mon petit touffu, comme je l'appelle. Lui et moi, on se comprend. Et ses peintures, c'est quelque chose. Quand je les regarde, c'est comme si je me voyais danser. C'est du mouvement qu'il met sur sa toile. Et lui, il est pas chiche. Jamais en retard pour payer la séance. Il a du bien, d'accord, mais quand même, il est pas radin. Ne bouge pas tout le temps, Louise. T'en as de bonnes, Toulouse. Quand je danse, ça t'empêche pas de me dessiner. Oui, mais pour le moment, je te peins. Toi, Louise, pas la Goulue. C'est pareil. Aujourd'hui, je peins la femme, pas la danseuse. Comme lorsque tu posais pour moi avant d'être célèbre. Oh, C'est marrant, ça me semble loin. Ça l'est pas pourtant. Tu as vite grimpé jusqu'aux étoiles. Tu le vois bien. Tous autant qu'ils sont, les beaux messieurs du public. Tu leur en mets plein la vue. Tu les souffles. Tu les décoiffes, tu les ébouriffes. Tu fais sauter leurs boutons de col, de gilet, de braguette même. Est-ce que j'aurais fait sauter ta particule, monsieur de Toulouse-Lautrec? Tu m'as l'air en forme aujourd'hui. De ce côté-là, toujours. On dit que c'est notre privilège, à nous, les nains. Qu'est-ce que tu chantes, beau merle? T'es pas un nain, t'es un géant dans ton genre. Ton coup de pinceau, c'est du bat. Autre chose que les crottes de la butte. Madame la critique d'art. Ah, sois pas méchant, touffu. J'y connais peut-être rien en peinture, mais je sais ce qui me botte. Et toi, tu me bottes. Quand tu me peins, tu me grandis. Même mes fesses, tu les rends belles. On est pareil, toi et moi. La vie a pleine bolée, les coups pour effacer ses mochetés. Les coups? Moi, des coups de pinceau, toi, des coups de rein. Oh. Ils excitent les bourgeois, mais oh. Toi les effraies. Pareil, je te dis. Toi aussi, tu leur fais peur. Moi? Eh oui, tu es la femelle sans gêne ni tabou. Oh. Ça les dérange. Ils rêvent de te posséder, mais ils savent que c'est impossible. Ah, oh, c'est pas ce qu'on dit. Tu ne comprends pas. Coucher avec toi n'est pas difficile. Minute papillon, hein. Fais gaffe à ce que tu dis. Loulou, tu n'es pas farouche, mais ce qui les effraie, c'est que tu choisisses. Auprès de qui? Devant une femme qui choisit, le mâle se sent rabaissé. Rabaissé dans son rôle de séducteur, et tout autant s'il est dédaigné. Quant à te posséder, nib! Autant chercher à posséder le vent. C'est joli, ça. Tu causes aussi bien que tu peins, mon petit touffu. Ce que je te dis, tu le sais. Tiens, l'autre soir, quand tu es entré sur scène en tenant un bouc en laisse, ça les a fait rire jaune. Ils ont bien compris ce que tu voulais leur dire. Ouais? Et quoi donc? Tu leur disais que c'est toi la maîtresse. Et eux, des vieux boucs que tu mènes par le collier. Oh, t'es un drôle de zigoto, toi. Je vais te dire, je t'aime bien, Henri. Henri? C'est rare que tu me donnes de l'Henri. Allez, on s'y remet. Tu reprends la pause. C'est bien pour te faire plaisir. Mais avant, je mange un morceau. J'ai les crocs. Encore? Dame, c'est-il pas à cause de ma fringale que Renoir et toi m'avez baptisé la goulue? Allez, fis-moi quelque chose à becter. Tu voudrais pas me boire des frayirs? Des frayirs. C'est pas ton genre. Dépêche-toi. La lumière du jour va baisser. Art visuel, la danse inspire les peintres et les danseuses sont des modèles appréciés. À l'image de Manet, Renoir, Degas ou Toulouse-Lautrec, nombre d'artistes font appel à elles. En retour, elles y trouvent un moyen de boucler des fins de mois difficiles et leur rapport avec les peintres glisse parfois vers des relations amoureuses teintées de prostitution. La Goulue et Toulouse-Lautrec, eux, entretiennent une amitié qui durera jusqu'à la mort du peintre. Multipliant les frasques et les provocations, narguant la maladie qui déforme son corps, Lautrec a trouvé dans la Goulue une égérie qui défie, comme lui, le bon goût et la morale. Il l'immortalisera dans de nombreux tableaux et affiches célèbres. Ah, c'est toi, Charlot. Ouais, malolotte. Ah, t'es pas heureuse de voir ton âme? T'attendais une autre visite? Ce soir, je fais relâche. Je suis claqué. Ah, c'est drôle. Moi aussi, je me sens fatigué. C'est sûrement pas le boulot. Elle est taquine, malolotte, mais t'as raison, c'est pas le boulot. C'est le manque de toi qui m'use. 8 jours que je t'ai pas vu et regarde comme je suis. Arrête ton char, je sais bien ce que tu veux. Hein? T'es lessivé pour sûr, mais pas à cause de moi. C'est les chevaux qui t'ont lessivé, ouais? T'as encore misé sur un mauvais canasson? C'était où cette fois? Auteuil? Saint-Cloud? Longchamp? Mais tu me fais de la peine, Lolotte. Je viens de voir et toi, tu sous-entends des choses. Je les sous-entends pas. Je les entends dès que t'ouvres la bouche. T'es rosse, Louise. Je t'avais apporté un cadeau. Ah ouais? Ah bien sûr, c'est pas un de ces bijoux que tu portes depuis que t'es célèbre. Mais j'y avais mis mon cœur. Ah tant pis, bah, je crois qu'il vaut mieux que je te laisse. Oh ça va, pas la peine de prendre la mouche. Ah je vois bien que je suis de trop. Fais pas ton chien battu, je connais. Et puis ça me fout le bourdon. Ah excuse. Si en plus je te fais de la peine, je suis vraiment plus bon à rien. Bon allez. Au revoir, Louise. Attends. Fais-le voir, ton cadeau. Non, mais c'est plus le moment. Tu le trouverais tard. Et t'aurais raison, alors. Et si je te le demandais gentiment? Ça changerait quoi? Bah, gentiment, gentiment. Tu fais vraiment de moi ce que tu veux. Tu le veux pas aussi, peut-être? Allez, referme vite la porte, mon Charlot. On va se défatiguer tous les deux. Ah, Charlot. C'est vrai qu'il est moche, son cadeau. Une bagasse en sous, décrochée dans la sciure, à la fête, si ça se trouve. Quand même, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Il me touche, Charlot. Bâti comme le déménageur qu'il est, mais si câlin quand il veut. Quelle heure qui se fait? Le jour est déjà installé. 9h, il me blâte toute seule au Pajot? Où que c'est qu'il est, Charlot? Ma parole, il a mis les bouts. Oh, je vois le genre. Il est pas parti les poches vides. Quel cru je suis. Il m'a encore eu avec ses boniments et sa bague en fer blanc. Ah, le cochon. Il a aussi emporté le dessin que mon petit touffu m'avait offert. Mon portrait. Qui me fauche mes sous, passe encore. Mais mon portrait, c'est mon portrait. Pas touche. Même en image, on me bazarde pas sous le manteau, moi. On me surnomme la Goulue, pas l'Andouille. Tu paies rien pour attendre, Charlot. Vite, mes frusques, mon paletot. Loulou! T'as l'air furax. Assieds-toi. Tu prends une verte? C'est pas de refus, Gris. J'ai besoin d'un remontant. T'aurais pas vu Charlot? Pourquoi j'aurais vu celui-là? Vous êtes encore crêpé chignon? Le sien, chignon, j'en fais mon affaire. Il m'a fauché mon portrait. Au moins, il te l'a pas démoli. Je rigole pas, Gris. Mon portrait, j'y tiens. C'est celui qui vient de Toulouse. Je savais pas que tu y étais allé. Moi, je te parle pas de la ville, je te parle du peintre. Toulouse. Toulouse-Lautrec. Ah, la théière. Hein? Me dis pas que t'as jamais entendu son surnom. Toutes les filles des maisons qu'il fréquente l'appellent comme ça à cause de sa taille rabougrie et de son appareil qu'il est pas, lui. Toujours en état de marche. Comme le bec verseur d'une théière, quoi. Ouais. Bec verseur ou pas, Toulouse, c'est mon pote. Et un sacré pinceau. Oh, t'as le sens de l'image. Tu peux pas arrêter 5 minutes. Je suis sérieuse. J'y tiens, mon portrait. Tiens, v'là le désossé. Valentin ! Oh, oh, Valentin ! Ah, les filles. Déjà la verte à 7h ? Louise a perdu son portrait. Hein ? Perdu ? Tu parles. Charlot me l'a esgourdi. Je voudrais bien savoir où il se cache, le salaud. Oh, pour le boulot, il a les bras à la retourne. Mais pour les combines, il est pas manchot. Faudrait savoir. Un jour, c'est une affaire, le lendemain, à boit rien. À t'entendre, il vaudrait peau de balle. Pourtant, tu te fais tatouer son prénom sur le bras. Je sais pas ce qui m'a pris. Jour-là, j'aurais mieux fait de me casser une guibole. Depuis, je suis obligée de planquer ce foutu tatouage sous un gant pour danser. Oh, hé ! Tu les gardes polis, tes gants ? Qu'est-ce que t'insinues? Que le nom de Charlot sur le bras te gêne pas quand t'es dans ce dos de type? Manquerait plus qu'il me gâche aussi la vie quand j'en profite un peu. Mince alors, elle serait bonne celle-là. Tu me désarmes, loulou. Ta réponse à tout. Mais alors, j'ai raison ou pas? Je peux pas te donner tort. Mais un conseil, si. Je refuse pas. T'es ma potesse. Envoie-le valser, Charlot, quand il se repointera. Goodbye et bon débarras. T'inquiète, la valse, je vais lui faire danser. Et à l'envers, en plus. Hé, hey, les filles, quand vous aurez fini, je pourrai en placer une. Charlot, je l'ai aperçu vers les abeilles, près des roulottes à Fernando. Oh! Oh, le fauderche! Oh! Il va refourguer mon portrait là-bas, ça fait pas un pli. Fernando tient un cirque, pas une galerie de tableaux. C'est tout comme. Depuis que Toulouse l'a peint, le cirque à Fernando. Les amateurs y radinent. Charlot le sait, il lui sera pas difficile de vendre mon portrait. La Goulue par Toulouse-Lautrec, tu penses? Surtout que je me suis produite, moi, chez Fernando. En selle pour la revue, il s'appelait le spectacle. Oh, fameux succès. La presse m'avait surnommée la princesse du bolet. Comme la danse, le cirque est une source d'inspiration pour les peintres. Couleurs, lumière, mouvement, odeur. Son atmosphère aiguise les sens. À Paris, le cirque Fernando, futur Medrano, est particulièrement prisé. Sa taille, son ambiance, ses numéros attirent un public friand d'émotions. Renoir, Toulouse-Lautrec, Degas, Seurat et plus tard Picasso, Dufy ou Léger lui conféreront une réputation internationale. La Goulue, qui s'y était produite en 1889 dans une revue pantomime, y a découvert l'univers forain dont elle gardera le goût toute sa vie. Respire, Touffu. Prends-en plein les narines. Je fais que ça, hélas. Je suis à bonne hauteur. Ah, l'odeur des fauves. C'est fort, c'est bon. Ça me remue, y a pas d'autre mot. Ça te va bien, tu es une lionne à ta manière. Mais moi, on ne met pas en cage. Ah, v'là Fernando. Monsieur Lautrec. Louise, quel bon vent. Un vent qui emporte l'étoile, mon cher Fernando. Le chapiteau est bien arrimé, rassurez-vous. Ce sont mes toiles dont je parle. Il y en a une qui s'est envolée, et le Zef s'appelle Charlot. Il se pourrait bien qu'il cherche à la vendre dans le coin. Votre établissement attire le public, mon ami. Outre la qualité de vos spectacles, les tableaux qui le représentent commencent à être connus sur la place de Paris. Un Toulouse-Lautrec figurant notre Goulue trouvera vite preneur parmi les amateurs qui fréquentent votre cirque. Du moins, c'est ce que doit penser ce Charlot dont la connaissance du marché de l'art ne dépasse pas Montmartre. Vous avez bien fait de m'avertir. Je vais dire au personnel d'ouvrir l'œil. En attendant, Louise, que diriez-vous d'un coup d'œil à la ménagerie? Vous aimez les fauves? Il me repose des hommes. Tu viens, Touffu? On va voir les lions qui sont battent. Je les connais, ma chère Louise. J'ai dessiné ceux de Peson à Montreuil. Ah, Jean-Baptiste Peson. Un maître dresseur. Jamais un coup donné à ses bêtes. J'étais à ses funérailles. Son cercueil présenté à ses fauves. Quel spectacle, mes amis. Quel spectacle. Digne de sa tombe au Père Lachaise. Je ne compte plus les croquis que j'ai faits de son lion favori. Brutus? Celui qui a servi de modèle à Bartholdi pour sa statue du lion de Belfort? Lui-même, une vraie crème pourtant. Rarement vu plus pacifique. S'il avait fallu compter sur lui pour défendre la ville face aux Prussiens. Dame, chez les fauves, c'est les lionnes qui chassent. Louise, n'y voyez pas malice, mais les lionnes que vous semblez dotées de vertus féministes rapportent la nourriture au mâle. Pardi, elles sont comme nous, trop poires. Faudra bien que ça change un de ces quatre. Ma chère, quand je vois se dresser les obstacles au moindre changement dans l'art de peindre, je doute que nous voyons un jour advenir le changement que vous évoquez. Même si les lions font comme tu dis, Touffu, je les aime, moi. D'abord, on n'a jamais traité un julot de lion. Aran ou Macro, oui, c'est moins majestueux, pas vrai? Eh ben, moi, je dis que c'est pas par hasard. Évidemment, sous cet angle. Bon alors, va les voir, ces bestioles? Allez, Fernando, moi, je vous suis. Voilà 3 jours qu'on est allé chez Fernando et toujours rien. Sans mon portrait, je commence à me sentir cafardeuse. J'ai l'impression qu'un morceau de moi a foutu le camp. Ce matin, dans la glace, j'ai même cru voir une ride. Au coin de l'œil, comme les petits plis qui se forment quand on rigole. Sauf que je rigolais pas. Faudrait jamais penser au temps qui passe. Je l'avais dit à Renoir, quand je posais pour lui. Toi, tu peins, tu resteras. Moi, je danse, on m'oubliera. Que je sois en haut de l'affiche, change rien. Quand je gambirerai moins bien, il me restera quoi? Les bêtes? Je les aime toutes, moi. Les chats perdus, les chiens errants, et celles qui me fascinent, les tigres, les lions. Peut-être qu'un jour, même elles voudront plus de moi. Et flûte, la vie file, autant la croquer à pleines dents. Quand j'en aurai plus, ça me fera des souvenirs. Allez, Louise, ce soir tu guinches devant le prince de Galles. Mets-lui en plein limirette, et que Paris s'en souvienne. Ben, tu y allais un peu fort ce soir, Louise. Chambrer le prince de Galles, tout de même. Les têtes couronnées, faut les faire tourner comme les autres. C'est ça, l'égalité. Et puis, mieux vaut ça que les couper, non? Je suis une humaniste, moi. Tu parles? Demandez au prince, depuis la Seine, s'il allait payer le champagne ou si c'est sa mère, la reine, qui régalerait. Le futur roi d'Angleterre, le fils de la Victoria. Tu doutes de rien? Il a peut-être le sang bleu, le futur king. Mais t'as vu qu'il l'a chaud tout autant. T'as pas vu comment il regardait Louise? Elle aurait pu lui en sortir d'autres, des vannes, des bien vertes et des pas mûres. Il en redemandait. Pardi, les altesses adorent s'encanailler. Demain, dans les journaux, on parlera de son sens de l'humour, de sa classe british. Le prince qui se mêle au bon peuple, ça lui fera de la réclame. Tiens, comme Henri IV avec la boule au pot. Oh, on ne changera pas. Personne, mon petit pote. Personne ne me changera. Ni un paumé, ni un roi. Sois tout de même prudente. Toute souris... Mais rien n'est éternel. Te fais pas de soucis, Valentin. La bonne étoile et moi, on est copines. Regarde, elle a retrouvé mon portrait. Mince! Comment t'as fait? Charlot a eu des remords? Lui, il connaît pas le mot. Alors? Touffu. Quoi, Touffu? Avec son 1m50, il a foutu la frousse à Charlot qui est taillée comme une armoire à glace? Ma vieille, comme pour les chiens, faut se méfier des rasemottes. Quand ils te chopent au mollet, tu les feras pas lâcher, même si t'es du genre molosse. Ce cave de Charlot a voulu fourguer mon portrait à un bourgeois qu'il avait entendu causer peinture. Un échalas portant canne à pommeau. Tu me croiras pas, le type c'était un copain touffu. Un gars qui écrit dans les revues, il paraît. Fainéant. Tu parles d'un blaze. Ce serait pas plutôt fainéon? Oui, c'est ça. Tu le connais, toi? De tronche. Pareil qu'on se ressemble, à part sa barbiche. Toulouse l'a peint chez Fernando et on a cru que c'était moi. C'est un critique d'art. Il a soutenu Toulouse et un tas d'autres rapins qui étaient pas en odeur de sainteté. Même des anarchistes. Il écrit dans leur canard, il paraît. Un marrant, quoi. Toujours est-il que ton fainéon flaire l'entourloupe. Il fait l'intéressé, patati, patata. Il donne rancard à Charlot le lendemain près de la ménagerie. Mon Charlot s'y pointe, le bourgeois fait ni une ni deux, il ouvre la cage au lion, et bon, il épouse Charlot. Non. Comme je te le dis. Attends le plus beau. Dans la cage, tu devineras jamais. Le lion, il radine avec Touffu à Califranchon sur son dos. Oh non. Alors mon Touffu dit à Charlot, Monsieur Vent d'Étoile, ça tombe bien, j'en peins. Je compte m'essayer à une sanguine. À moins que je fasse une nature morte, vous ferez un super modèle. Il n'y aura pas une la théière. Je vois ça d'ici. Mais comment qu'il s'y est pris pour pas se faire bouffer par le lion? Le lion, c'était Brutus, celui de Pesan. Toulouse l'a dessiné je sais pas combien de fois. Brutus le reconnaît à l'odeur de l'absinthe. Il adore ça. C'est un vrai toutou. J'imagine la tronche à Charlot. Il était vert. Couleur absinthe, justement. Brutus a dû adorer. Ah, mais Charlot, pas du tout. Il est pas prêt de remettre ça, ni de ramener ses grands pieds chez moi. Oh, fini, Charlot? Je veux. Dès demain, je fais maquiller mon tatouage. Et si ce temps manché de Charlot s'avisait de rappliquer, il tomberait sur une fameuse bestiole. Nous dis pas que t'as adopté Brutus. Presque. J'ai apprivoisé son maître, Adrien, le fils Pesan. Un fouf comme je les adore. Il va m'apprendre les lions. Danser avec les bêtes. Oh, imagine la gueule que ça aura. En retour, moi aussi j'ai des choses à lui apprendre, Adrien. Je te fais pas de dessin. Crois-moi, il est pressé que je lui enseigne. La bonne étoile semble bien veiller sur la goulue. Loin de se formaliser, d'avoir été apostrophé de façon si cavalière, le prince de Galles, futur roi Édouard VII, lui offre son lit, qu'elle s'empresse d'accepter. Quant à Adrien Pesan, il deviendra lui aussi l'amant de la danseuse et pour un temps son compagnon. Comme elle le désirait, il lui enseignera l'art du dressage. Une autre façon pour elle de se jouer des stéréotypes de genre et de refuser la place qu'assigne à la femme la société patriarcale. À la séduit le roi d'Angleterre, le chat de Perse, les peintres les plus célèbres de Paris. Désormais, la reine du cancan charme les lions. Demandez Gil Blas, la goulue danse pour les pauvres dans la ménagerie du célèbre Adrien Pesan. Demandez Gil Blas. Donne-moi et garde la monnaie. Merci, monsieur Lautrec. Vous oubliez pas les amis, vous. Ah, c'est pas un petit bifton que vous me donnez là. Et après, tu joues petit bras ce soir? Me vole pas mon rôle, le nabo c'est moi. Oh, dites pas ça, vous vous faites du mal. Qu'est-ce que t'en sais, hein? Les nains ont une réputation à tenir et nom de Dieu, je la tiens. T'as jamais entendu parler de la théière? Demande à ces dames, n'importe laquelle. Tiens, et celle qui passe là? Non, pas si forme sur le trek. Celle-là, c'est la femme du préfet de police. T'es sûr? Il me semble pourtant avoir fait sa connaissance au bordel. Comment qu'elle s'appelait déjà? Ah, misère, c'est la fée verte. Tout se brouille dans ma tête. Vous ne devriez pas vous mettre dans des états pareils. Qu'est-ce que tu me chantes, beau merle? Je bois, et alors? C'est sans risque. Quand je tombe, c'est de moins haut. Qui c'est qui fait ce raffut? Toulouse? Mince, mon petit touffu. Oh, t'es venu voir ta loulou. Oh, ça, c'était patent. Ce qu'il est moins, c'est ce qu'ils écrivent sur toi. Tu as lu les journaux? Eh ben, où est le mal? Du Moulin Rouge aux baraques foraines. Fêtée hier par le tout Paris, la célèbre danseuse de Cancan se fête aujourd'hui à Neuneu. Des loges princières aux cages à fauves. Et alors ? Elle m'a toujours beauté, la fête à neuneu. Vous pouvez pas installer mes lions Moulin Rouge, tout de même. Et chez Fernando, je me sentais comme employée. Je voulais mon affaire à moi. Avec Adrien, c'est tout comme. Tu vas pas comparer ton... affaire, comme tu dis, avec le Moulin Rouge. Et pourquoi pas ? Notre baraque est la plus visitée. Elle désemplit pas. Moi non plus. Oh, touffu. J'aime pas quand tu fais de l'humour noir. T'es fait pour la couleur. Comme toi pour la danse, Louise. On se complète, quoi. Oui. Et à propos de couleur, je vais taquiner la verte. Je t'offre une absinthe. Jamais avant d'entrer en piste. Avec les lions, faut que je sois prudente. La prudence est la mère de tous les vices. T'es sûr que c'est la prudence? Il me semble. Remarque, sans vice, où serait le plaisir? T'as peut-être raison, au fond. Je crois. Et tu sais, des fois, tu devrais faire comme moi. Me produire à la fête foraine? Dans la baraque des monstres, alors. Ah, oh, sois pas comme ça. Je suis comme la nature m'a fait. Si tu crois que le crapaud peut se changer en prince charmant... Arrête! Tu comprends très bien ce que je voulais te dire, Henri. Simplement de faire attention à toi, au moins de temps en temps. Ouh, c'est sérieux, quand tu m'appelles Henri. C'est façon de te dire que je t'aime bien. Et peut-être même plus. Comme si tu le savais pas. Eh, hey, c'est un aveu. Merci pour ça. Oui. Je vais l'arroser! Mince, il en tient une bonne. Ça me fait de la peine quand il se met dans cet état. C'est de plus en plus souvent. Mais tu vois, ça lui gâte pas la main. Il a refait des dessins chez Fernando. C'est comme quelque chose de nouveau. Il y a tout le cirque là-dedans. Et vous, Madame Louise, vous danserez pas toujours dans la cage au lion? À quand le retour au moulin? Je vais où mon cœur bat. Pour l'heure, c'est ici. Demain, on va savoir. Elle a fait tourner la tête d'un prince. Ce soir, elle danse avec le roi des animaux. Demandez le Gil Blas. Demandez le Gil Blas. La reine de Paris danse avec les lions. Demandez le Gil Blas. Le Gil Blas, messieurs dames. La Goulue connaît le succès avec les lions comme elle l'avait connu au Moulin Rouge. Pourtant, elle se lasse de ses exhibitions. Elle veut dompter. Pesan lui apprend, mais un accident qui aurait pu lui coûter la vie l'oblige à y renoncer. Se jugeant moins mise en valeur que son compagnon, elle manifeste des exigences qui finissent par briser le couple en 1899. Elle s'achète sa propre baraque et poursuit seule sa route, alternant un temps les spectacles forains et ceux qu'elle donne dans la nouvelle salle parisienne du Bal Tabarin. Mais fatiguée par une vie agitée, la célèbre danseuse n'a plus la splendeur d'antan. Son étoile décline. À la veille de la guerre de 14, la Goulue, qui a dû vendre sa ménagerie et sa baraque foraine, vit dans une roulotte et trouve de plus en plus souvent le réconfort dans l'alcool. Elle inspirera une dernière fois un peintre, Van Dongen, mais c'est sous les traits d'une femme vieillie et à demi hagarde qu'il la dessinera. Elle avait sous sa toque une marbre à la butte Montmartre. Un petit air innocent. On l'appelait Rose. Elle était belle. Ah, sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. Quel froid ce soir. Il se mettrait à neiger que ça m'étonnerait pas. Je vais me resservir une verte. J'en ai besoin, mais je vais y aller mollo. Pas comme touffu. C'est que tout à l'heure, je serai de nouveau au moulin. J'entends déjà la clameur du public. Ça prend aux tripes, c'est un toit-là. Ça monte, et pan. Ça éclate en bravo, comme un feu d'artifice. J'ai toujours le coup de rein et la cadence. Je gambille moins haut, mais je triche un peu. Et le public, il voit que du feu. Normal, il voit que moi. Hop, la canne levée, le frou-frou, les jupons mousseux comme le champagne, le quadrille avec les copines, gris d'égout, la môme fromage, nini pâte en l'air. On va s'en payer une tranche. Ah, mon portrait, J'allais oublier. Faut que je le touche avant d'entrer en scène. Il porte bonheur. Où est-ce que je l'ai fourré? C'est tout de même pas encore Charlot qui... Non, bien sûr. Il est mort, Charlot. Comme Toulouse. Et Valentin qui est bien désossé depuis le temps. Même les filles sont canées. Grille, fromage, nini. C'est un cimetière autour de moi. Une danse macabre. Danse macabre. Après tout, c'est tout de même une danse. Je vais pas la rater. Même si c'est que dans ma tête que je serai au moulin. Même si c'est pour des fantômes, j'y serai. Je vais leur montrer qui c'est la goulue, une fois de plus. Allez, pour le cancan, en piste. Louise Weber, dite la goulue, muse et femme libre de Patrick Péchereau. Avec la goulue Emeline Bayard, Grille d'égout Marion Malenfant, Valentin le désossé, Aurélien Ouzaski, Toulouse-Lautrec, Marc Lamigeon, Charlotte Adzini, Quentin Bayot, le crieur de journaux, Joseph Fourez et Fernando, David Mangino. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Étienne Collin et Marie Le Peintre. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Réalisation, Baptiste Guiton. Vous écoutez France Inter, Autant n'importe l'histoire. On reprend la discussion sur la goulue dans quelques minutes avec mon invitée Marilyn Martin. Tes yeux me font la vie, des rêves cotonnent au salut de la nuit, l'enfer droit comme un lit. Tous les jours tu ris des danses langoureuses parce qu'elles t'amusent comme des filles amoureuses. Rancune, tu dis des mots fragiles, un peu comme je les fume. Avec des airs gamins, tu parles un peu plus fort. Alors j'oublie encore, demain, j'oublie demain. Tu m'as corrompu jusqu'au bout des cils. La saison défile, les racines ont bu. Au bout des cils de Camélia Jordana sur France Inter. Autant n'importe l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Grégory Wallon. Marilyn Martin, nous avons donc quitté Louise Weber, alias La Goulue, dans sa roulotte où elle va terminer sa vie en 1929. Elle mourra à l'âge de 63 ans. À cette époque, bien sûr, elle a perdu sa gloire de danseuse, mais elle est encore très connue. Hein. Et je sais que Arletty, par exemple, racontera qu'elle l'avait vue dans sa baraque de foire, qu'elle avait beaucoup d'admiration pour elle. La Goulue a été véritablement une star, on peut le dire. Ah oui, c'est vraiment, ça a été d'abord la reine du Moulin Rouge. Elle a fait le buzz, comme on peut dire maintenant. Moi, je la compare à la Lady Gaga de la Belle Époque. Hein. C'est une femme qui a su s'assumer des codes, comme je le disais, de la bonne société. Alors, c'est pas une féministe, mais elle est féminine. Alors, elle va pas militer comme les suffragettes pour le droit de vote après la Première Guerre mondiale, non. Mais elle balance son battoir de blanchisseuse par-dessus les moulins. Elle va dompter les hommes et... C'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, c'est pour réhabiliter sa mémoire. C'est pas une prostituée, c'est pas une vénale, c'est pas une demi-mondaine. Elle fait le libre choix de ses amants, tant dans les milieux fortunés. Elle va rencontrer le Shah de Perse, elle va rencontrer les Rothschild, le marquis de Biron avec lequel elle va s'enfermer une semaine à cette adresse. On l'a dit tout à l'heure, on l'a entendu avec le futur roi d'Angleterre, mais aussi dans les milieux populaires. Charles Tazini, le déménageur, ou des hommes des milieux beaucoup plus populaires, et elle ne se fait pas rémunérer. Une cocotte, on va se ruiner pour elle, on va se suicider pour elle. Personne s'est ruiné pour Louise. Personne s'est suicidée. C'est une femme libre qui choisit ses amants et qui choisit son métier aussi. Une femme émancipée qui n'a ni Dieu ni maître et tout dans sa posture parle aussi pour elle. Elle a un petit collier de chien à la monnaie autour du cou. Et au Moulin Rouge, c'était la seule à danser en cheveux. Elle n'était pas chapeautée. Elle avait un petit chignon en haut de la tête, comme ça, avec ses cheveux frisottés. Tout c'était à fait. Rigolo. On la reconnaissait entre toutes, puisqu'elle avait ce fameux chignon, comme vous le dites, pointé comme un cimier. Et on disait qu'elle ranimait, ce chignon ranimait tous les courages éteints. C'est elle qui révolutionne effectivement la danse au Moulin Rouge. C'est la mieux payée du Moulin. Elle va créer aussi des figures au Moulin. Elle va révolutionner cette danse avec la fameuse figure du coup de cul. C'est quoi le coup de cul alors? Le coup de cul, en fait, elle termine sa danse en remontant ses jupons et en montrant sa culotte fendue ornée d'un cœur. Alors c'est vrai que c'est pas politiquement correct, c'est vrai que le bourgeois est là pour voir le spectacle, et dans un coin, il faut savoir aussi qu'il y a le père la pudeur qui est là aussi pour amener un petit c'est peu... C'est un commissaire de police, c'est ça? C'est Coutelas du Rocher, il est photographe le jour et il travaille pour la police des mœurs la nuit. Et il est là pour voir si tout se passe bien et pour voir si les danseuses respectent les réglementations. C'est ça. Mais alors c'est hypocrite parce que si elles ne lèvent pas assez haut la jambe, elles sont mises à l'amende. Et si elles montrent un peu trop leur intime efflorescence, c'est pas bien non plus. Alors je vous propose tout de suite, Marilyn Martin, d'écouter le témoignage d'Edmond Heuzet, enregistré en 1953. C'était un danseur dans la troupe du Moulin Rouge, en même temps donc que La Goulue. Et il raconte le fameux soir où le prince de Galles est venu au Moulin Rouge. Nous, on était venus passer dans les loges, on nous avait dit « Attention, ce soir, vous savez, il y a du linge ». Naturellement, nous étions tous très émotionnés, c'est-à-dire qu'il fallait donner le maximum. La Goulue, elle ne disait rien, c'était une fille assez taciturne. Et ce soir-là, dès la première attaque de Mabille, car c'était Mabille qui conduisait l'orchestre, elle a été déchaînée. C'était terpsichore, vous savez. Les jupons volaient, les jambes comme des pistils dans les coups de pied à la lune. Elle était rayonnante, ses mains griffaient les volants. On ne la voyait pas. Et par la suite, on aurait dit un papillon. Elle était éblouissante, cette fille-là. Et Valentin le Désossé avait peine à la suivre. Et à un moment donné, dans une sorte d'apothéose, dans une sorte d'envolée, elle a regardé l'orchestre, n'est-ce pas, comme si elle voyait Orphée. Et elle s'est précipitée, telle une folle, telle une tigresse. Ça n'avait même plus de nom, n'est-ce pas, parce que je n'ai jamais vu les gars. Je vous dis, franchement, j'ai vu des gens qui dansaient mieux. Mais elle était la danse, vous comprenez, elle n'était pas une danseuse, elle était la danse. Et elle s'est précipitée, elle a souri à la musique comme si elle voulait la mordre. Et dans un grand écart éblouissant et glissant, elle vient mourir au pied de l'orchestre, absolument comme un papillon de nuit. Elle s'est relevée, et sans saluer personne, elle est montée dans sa loge. Et le prince de Galles, le futur Édouard VII, lui a fait envoyer des fleurs et elle a eu un geste absolument émouvant. Elle a fait cadeau du bouquet à l'orchestre. Elle a gardé une fleur qu'elle a embrassée. Elle a donné deux pistils au roi Édouard VII, enfin au prince de Galles. Et elle a mis la rose entre ses seins. Joli geste, la rose entre les seins. Est-ce qu'elle a été la maîtresse alors du prince de Galles? On le sait. Oui, il se murmure que oui, et que tout ça s'est terminé chez Maxime. Oui, elle a été l'amante. C'est étonnant les noms de scène de tous ces danseurs. Valentin Desossés, c'est Gris Dégout, Tête de Mort, La Môme Caca, Demi La Gueule Siphon, Flatte. Oui. Oui. C'est d'une invention et d'une drôlerie. C'est étonnant. Oui, c'est là aussi, elle casse les carcans de cette bonne société en empruntant des noms un petit peu hors du commun. Et elles prennent le pas sur les hommes. C'est le fameux cavalier seul. L'homme est comme un coq au milieu d'une basse-cour et elles prennent le pouvoir sur la danse. Elles créent des figures. C'est elles qui mènent la danse. C'est-à-dire qu'il y a un danseur et des femmes autour, exactement. Mais après ça change justement. Et ça change. Avec la Goulue, ça change. Et bien avec la Goulue, ça change. Comme je dis, elles prennent le pas sur ce cancan et elles créent effectivement cette danse endiablée qui révolutionne le Moulin Rouge. Et c'est pour ça qu'on vient les voir danser. Il y a cette amitié bien sûr extraordinaire avec Toulouse-Lautrec, qui dura jusqu'à la mort du peintre en 1901. Si on connaît bien aussi la Goulue, c'est parce qu'il l'a immortalisée dans ses peintures. Effectivement. C'est étonnant cette amitié, c'est beau d'ailleurs cette relation qu'ils ont eue. C'est une belle amitié, elle l'appelait mon petit touffu effectivement, elle disait lorsque je me vois peint par toi, elle disait quand je vois mon cul peint par toi, je le trouve très beau. Et lui disait qu'elle était hardine, féline, timide mais souple comme un gant. C'est un peintre qui a su justement peindre les femmes du peuple dans leur intimité, dans leur humanité aussi. Il les a magnifiées, il ne portait pas de jugement. Lorsqu'il est peint rue des Moulins, on voit qu'il a, c'est là vraiment une peinture d'une société et ces femmes lui faisaient confiance et elles étaient aussi, parfois elles s'épanchaient auprès de lui parce qu'il avait, il avait une oreille attentive. Et j'ai envie de dire, effectivement, on parle de la fameuse affiche du Moulin Rouge. Il y a Bal au Moulin Rouge. Cette affiche, elle a révolutionné les murs de Paris. C'est un véritable coup de poing. Et il se dit que même les conducteurs de fiacres se retournaient pour la voir. Et cette affiche, elle a été moult fois décollée parce qu'elle était très avant-gardiste. Pour quelle raison, à un moment, la Goulue décide d'arrêter de danser ? Ah bien, écoutez, elle sait pas, elle commence à prendre la chair triomphe du maillot, comme on dit, et puis elle est enceinte. En 1894, elle attend un enfant, un fils, et puis il y a la jeune garde derrière qui pousse à la roue. Et... Oui, c'est un métier très dur, la danse, puis pour arriver à lever la jambe très haut, il faut quand même une certaine souplesse, énergie. Et elle a plus de 30 ans, et puis elle a envie aussi de faire autre chose, donc elle a envie de faire une coupure, de se retrouver, elle accouche, elle a son fils, mais elle a toujours c'est une artiste et elle a envie de continuer et transformer effectivement son art dans la rue et elle va devenir dompteuse de cirque. Il y a une très jolie un très joli film qu'on peut voir qui a été tourné par l'assistant de René Clair dans les années 20, deux ans avant sa mort. Effectivement, qu'on peut voir sur YouTube, sur internet. Ouais. Tout à fait, c'est on un la documentaire. Voit, danser, on la voit danser devant sa roulotte, ça dure même pas une minute. Non, et voilà. C'est un film sur la Cité des Chiffonniers, et c'est vrai que c'est très émouvant de la voir, parce que même si le corps a pris de l'ampleur, elle est très gracieuse. Merci beaucoup Marlène Martin. Votre livre La Goulue, reine du Moulin Rouge est paru aux éditions du Rocher. À lire également L'incroyable histoire du cancan de Nadège Maruta, édité chez Parigramme. Et sur Toulouse-Lautrec, bien sûr, Toulouse-Lautrec, Les Lumières de la Nuit de Claire et José Fraîche chez Gallimard dans la collection Découverte. Et je signale aussi que La Goulue apparaît dans la trilogie de Patrick Péchereau, l'auteur de la fiction, réunie sous le titre La saga des brouillards chez Gallimard. À lire également de lui son dernier roman, Evel, paru chez Gallimard en folio policier. C'est la fin pour aujourd'hui de Temps n'importe l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site franceinter.fr. Vos commentaires y sont les bienvenus, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous nous envolerons avec une autre femme remarquable, l'aviatrice Adrienne Bolland, qui, il y a précisément un siècle, a réalisé un exploit. Le 1er mai 1921, la pionnière de l'aviation, vêtue d'une combinaison garnie de papier journal, a réussi dans un coucou ouvert à tous les vents à traverser la cordillère des Andes. Adrienne Bolland, pionnière de l'aviation, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.